Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémouzo 107FM. Le sujet de ce soir est un sujet qui me tient, comme presque tous les soirs bien entendu, particulièrement à cœur. On va parler de guerre bien entendu, mais surtout de paix, vu que j'ai ce soir le mouvement de la paix des Vosges, bien entendu avec Pierre-Olivier Poyard. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un petit peu le mouvement de la paix, l'association dont tu fais partie, mais il me semble que c'est pas la première fois que tu viens ici à la radio. C'est la troisième. Ah ah. Le mouvement de la paix existe depuis 70 ans. Il a été créé en 1948. À l'époque, ce qui mobilisait les militants pacifistes, c'était l'appel de Stockholm. Donc un appel à l'interdiction des armes nucléaires. Et c'est aussi suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, vu que ça se passe 3 ans après même. Donc autant dire que c'est né assez tôt. Et le mouvement de la paix dans les Vosges, en fait, c'est juste l'association qui s'est étendue et qui a eu plein d'antennes, ou c'est encore une autre association à part que le mouvement de la paix de France ou du monde? Le mouvement de la paix dans les Vosges existe depuis 1983. Et donc cette année, on a décidé, avec un groupe de militants, d'être un peu plus actifs. On édite un bulletin, Vosges pour la paix, depuis le début de l'année. Donc c'est un mensuel. On en est au cinquième. Et on a organisé différentes actions. Donc en janvier, on a organisé un week-end sur la paix en Corée. Et les Coréens nous ont entendus parce que depuis, des rencontres ont été faites au sommet. Bon, c'est pas seulement grâce à nous. Oui, bien sûr. Ça, je peux ensuite comprendre. On a organisé un concert à Nancy, le concert du groupe Yoroum, un groupe de musique dont les chanteurs en Turquie sont en prison. Donc ce qu'on a eu à Nancy, c'est sur des exilés, des musiciens exilés. Voilà, il y avait 800 personnes à Nancy. Et puis voilà, après on a participé à différentes autres actions. On était au festival Jeux et Compagnie au mois de mars. Et donc voilà. Donc le mouvement de la paix est toujours existant, bien entendu. Je pense que c'est peut-être important de rappeler à nos auditeurs que la paix n'est pas encore partout. Enfin, ça je pense que tout le monde le sait avec la guerre en Syrie et en Libye à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas. Mais la France aussi est en guerre. C'est ça ? Oui, la politique... des gouvernements français depuis quelques années, c'est une politique que l'auteur anglais Hobson appelait impérialiste au début du XXe siècle, et c'est toujours d'actualité. Donc l'armée française est présente dans au moins une dizaine de pays d'Afrique pour mener toutes sortes d'opérations de guerre. Et dans d'autres pays d'Afrique, il y a des bases militaires. Donc dans des pays étrangers, il y a des accords de coopération militaire. La France est aussi présente avec ses armes qu'elle vend à différents pays, notamment l'Arabie Saoudite. La France est devenue l'année dernière le deuxième exportateur d'armes au monde. Donc les armes françaises sont actuellement utilisées pour, dans la guerre au Yémen. D'ailleurs, à ce sujet, le mois dernier, il y a eu un rapport de l'Association des chrétiens contre la torture qui faisait état de l'utilisation des armes françaises dans la guerre qui est menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, en violation du droit international. L'armée française est présente en Syrie. Il existe deux bases françaises au Rojava, donc dans le nord de la Syrie. La partie sous contrôle d'une branche du PKK, partie travailleur du Kurdistan. Il y a aussi donc des frappes qui ont eu lieu en Syrie contre lesquelles le mouvement de la paix a protesté parce qu'elles se sont faites par un accord entre les Américains, les Français et les Britanniques sans aval de l'ONU. Donc des frappes en violation du droit international qui se sont faites il y a quelques semaines. Et donc plusieurs centaines de soldats sont actuellement en opération en Syrie. Des choses qui ont été révélées récemment dans la presse. Oui, donc qu'on se rappelle, hein, c'est peut-être pas parce qu'on vit les bombardements et la guerre que la France est nécessairement en paix. Et même loin de là, comme tu l'as dit, la France ou le gouvernement fait encore beaucoup de mal dans le reste du monde, comme tu l'as dit, en Syrie, en Afrique, ils vendent encore énormément d'armes. Et il y a aussi un nouveau point d'orgue qui vient en ce moment, surtout entre le conflit, qui je crois est en train de s'apaiser entre Donald Trump et Kim Jong-un. Un, oui, je me trompe souvent entre Un et Il. Non, Il c'était le grand-père. Merci de la précision. Et entre les deux, il y avait, il me semble, le risque d'une guerre nucléaire imminente. Donc il me semble aussi que c'est un des combats actuels du mouvement de la paix aussi, milité pour le désarmement nucléaire. Ben, depuis 70 ans, le mouvement de la paix milite pour l'interdiction de l'arme nucléaire. En 1948, lors de l'appel de Stockholm, donc c'était un appel à l'interdiction des armes nucléaires suite au bombardement des Américains à Hiroshima et à Nagasaki, parce que les Américains sont les seuls au monde à avoir utilisé des bombes nucléaires. Donc l'appel de Stockholm visait à interdire les armes nucléaires. Il y a eu plusieurs centaines de millions de signatures à cet appel. Et en 1950, l'état-major américain avait prévu d'utiliser la bombe nucléaire sur les populations de Corée. Donc, guerre de Corée qui a fait 2 millions de morts parmi la population nord-coréenne, c'est-à-dire 20% de la population. Et donc, 70 ans après, il y a eu cette affaire avec les essais nucléaires nord-coréens. Alors, essai qui arrivait à point nommé pour les Américains, puisque les Américains qui sont les principaux détenteurs d'armes nucléaires au monde, qui possèdent à eux seuls, je crois, la moitié du stock d'armes nucléaires du monde. En fait, ils sont bien embêtés. Parce que le 7 juillet dernier, il y a eu un événement historique à l'ONU, à l'Assemblée générale des Nations unies, le 7 juillet 2017, un traité a été rédigé par 122 pays sur les 194 membres de l'ONU. C'est un traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce traité donc, est actuellement en cours de ratification parmi les pays qui l'ont rédigé. Donc 122 pays. Parmi les pays qui ne l'ont pas rédigé, il y a la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, et Israël, donc les pays qui détiennent l'arme nucléaire. Oui. Et actuellement, dans différents pays, il y a des processus de ratification. 7 pays l'ont déjà ratifié, ce traité international. 7 pays, dont l'État de Palestine et le Vatican. Parce que les catholiques, les chrétiens en général, sont à la pointe dans la lutte pour l'abolition des armes nucléaires. Et Et donc c'est donc une question d'actualité. Oui, en effet, et comme tu parlais un petit peu des chrétiens, vu que j'ai eu le communiqué, un des communiqués du mouvement de la paix des Vosges, il y a un article dans lequel il était bien dit que le pape François Ier exhortait vraiment à la paix, et pas juste la paix en France, hein, bien entendu que c'est le Vatican, mais la paix dans le monde entier, vu qu'un monde en paix, ce serait quand même plus beau. Ce serait plus agréable. Et en parlant d'agréable, on va se faire une petite pause musicale avec le groupe dont tu as parlé tout à l'heure, le groupe Yorum. Il y a un morceau que tu m'as suggéré, c'est Ouyan Berkinim. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Boy, bear and feed on. الكريم اويان در کنیم اویان در کنیم اویان اویان اویان بکنیم Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter Ouyan Berkinim du groupe Yorum. Groupe Yorum qui est un groupe turc, si je ne me trompe pas, qui milite pour la libération des membres du groupe Yorum qui est emprisonné en Turquie et qui a fait un concert à Nancy le samedi 24 février qui a rassemblé quand même 800 spectateurs. C'est pas rien. Tu y as été, Pierre-Olivier ? Bah on a participé à l'organisation du concert avec des associations de la communauté turque et kurde. Et oui, effectivement, les membres du groupe sont actuellement en prison en Turquie. Et on a une campagne, on participe à la campagne pour leur libération. Mais est-ce que tu peux peut-être dire ce qu'ils ont fait pour être emprisonnés ? Ils ont chanté. Ah, c'est tout ? Oui, c'est le gouvernement turc actuellement. C'est un gouvernement qui ne tolère pas toutes sortes de choses. Et donc, la répression en Turquie est vraiment multiple. Et c'est une forme de régime très, très autoritaire, voire c'est une forme de retour du régime fasciste des années 30. Et donc, il y a des massacres qui ont été commis dans l'est du pays, dans les régions kurdophones, voilà. Puis la guerre en Syrie, puisque l'armée turque est la deuxième armée de l'OTAN. Et donc l'armée turque a envahi le nord de la Syrie sans qu'il n'y ait aucune protestation de l'ONU. Oui, en effet. Et donc ça c'est concernant le groupe Yorum. Et d'ailleurs si quelqu'un nous écoute et a envie de réagir à l'émission, vous pouvez sans aucun problème passer nous un petit coup de fil au 03 29 62 40 40 ou envoyez-nous un petit message sur notre page Radio Gemozo. Je suis toujours avec toi hein, bien entendu jusqu'à 19h pour parler du mouvement de la paix. On a un petit peu parlé du groupe Yorum et dis-moi, on n'a pas trop parlé de toi, mais ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quel a été ton premier contact avec le mouvement de la paix et quand est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait pour toi ? Le mouvement de la paix, on est vraiment très actif cette année parce qu'on est dans une situation actuellement qui est assez préoccupante. Oui. On assiste à une forme de régression des idées progressistes et de la démocratie en France. Par exemple, cette semaine, on a des étudiants qui protestaient depuis plusieurs semaines à la faculté de Nancy. Et actuellement, je ne sais pas s'ils ont été libérés. J'ai reçu un SMS tout à l'heure à 15h10. Actuellement, il y en a 6 qui sont en garde à vue pour avoir fait ce que les étudiants font toujours, c'est-à-dire occuper l'université pour défendre telle ou telle option ou position ou réflexion pour discuter. C'est des choses qui se font dans les universités depuis mai 68. Le fait d'occuper l'université, c'est une sorte de tradition un peu universitaire chez les étudiants françaises. Et donc, ce qui est assez récent cette année, c'est la violence avec laquelle les étudiants sont délogés des universités dans lesquelles ils sont. Donc, on a vu ce groupe d'extrême droite, à proprement parler fasciste, qui a été utilisé par la direction de la fac de Montpellier, la fac de droit de Montpellier, pour déloger les étudiants qui occupaient un amphithéâtre, les étudiants qui ont été tabassés à coups de gourdins. Et voilà, dans d'autres universités, ils font pas appel à des groupes d'extrême droite, mais la police tape vraiment dur sur les étudiants qui ne font rien d'autre qu'exercer leurs droits démocratiques, quoi. Et il y a ça. On est en contact au niveau du mouvement de la paix avec des lycéens sur Épinal, oui, qui ont essayé de participer à ce mouvement national, qui ont essayé d'organiser. Donc, un lycéen a voulu écrire un article dans un journal du lycée qui parlait justement de son point de vue sur cette réforme. L'article a été censuré par la directrice de l'établissement, par les proviseurs du lycée. Ensuite, avec des collègues à lui, ils ont voulu organiser une petite manifestation devant la préfecture. C'était au mois de février. Ils étaient une cinquantaine, c'était bon enfant, ça s'est très bien passé. Les renseignements territoriaux étaient là, la préfecture était au courant. La préfecture a reçu 5 lycéens. Et puis le problème, c'est que la semaine suivante, un des lycéens qui était organisateur de cette manifestation a été convoqué par la proviseure du lycée, qui lui a dit, texto, « Je suis très mécontente de l'article paru dans Vosges Matin. » Donc le lycéen lui a dit, « Mais je ne suis pas responsable de ce qu'écrivent les journalistes de Vosges Matin. Pas moi qui suis responsable. » Et donc, voilà, c'est les choses qui se passent actuellement dans les lycées des Vosges, quoi. Les lycéens ont le droit de s'exprimer, ont le droit de donner leur opinion depuis 30 ans. Et ça, c'est un droit qui est remis en cause. Ils ont aussi le droit d'organiser des syndicats lycéens, par exemple. Il y en a 3. Et donc, il se trouve que des conseillers principaux d'éducation ou des proviseurs de lycée essaient de les dissuader de monter des organisations syndicales lycéennes. Oui, mais en fait, je voulais aussi savoir, même si effectivement je vois que même pour les jeunes, c'est aussi difficile d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à dire qu'on n'est pas d'accord quand on n'est pas soutenu, quand on n'est pas encouragé. Pourtant, mai 68 avait laissé ses traces. Mmh. Mais te concernant, c'est quand que tu as commencé à t'intéresser, toi, pour la paix ? Cette année, j'ai eu un deuxième enfant. Et donc en l'attendant, on l'a attendu plusieurs mois, bien entendu. Et donc ça m'a vraiment fait réfléchir, quoi, au monde qu'on va laisser à nos enfants. Et j'aimerais pour mes enfants, pour mes filles, j'ai 2 filles, que ça soit un monde de paix. Oui, et ça se comprend. Et c'est comme ça que tu es petit à petit entré dans le mouvement de la paix. Parce que l'heure, en fait, je parlais des lycéens, des reculs des droits démocratiques, mais cette année, je fais un peu de syndicaliste dans mon établissement, cette année, la directrice m'a refusé une formation syndicale, quoi. Ah alors bon. Qu'elle n'a aucun moyen de la refuser. Bon, bien sûr, j'y suis allé, mais voilà, elle s'est permis de la refuser. Donc je lui ai dit que je prenais pas compte de son refus qui était illégal, mais voilà, il y a des choses illégales qui se passent dans notre pays et les droits démocratiques reculent. Les droits démocratiques reculent et pourtant la réaction des gens qui sont autour de moi, des collègues dans l'établissement où je travaille, établissement scolaire, elle est assez faible. Hein, les gens n'ont pas conscience de ces reculs démocratiques. À ces reculs démocratiques s'accompagne quelque chose de très dangereux. Donc ça s'est passé il y a quelques semaines. Ça a été le vote de la loi de programmation militaire pour 2019-2024 au Parlement, sur proposition du gouvernement. Donc elle a été adoptée par 389 voix pour et 37 contre, sur les groupes gauche, démocrate et républicaine, bon, le groupe communiste et les groupes France Insoumise qui ont refusé de voter pour cette loi de programmation militaire. Mais c'est moi, ça m'inquiète. Parce que la précédente loi de programmation militaire, 2014-2019, sur 5 ans, avait budgétisé 190 milliards d'euros. Et la prochaine, c'est 295 milliards d'euros. 105 milliards de plus, qui fera du budget de la défense, ou de la guerre, c'est selon le point de vue, le budget de la défense, le premier poste budgétaire, devant l'éducation nationale. Ah oui, carrément, donc on préfère armer ou même se battre plutôt que, ou du moins le gouvernement, plutôt que de, que d'éduquer. D'ailleurs, ça me rappelle... alors, il y a deux, trois petites choses. Je crois que tout ce budget, le budget armement, pouvait servir à lutter contre la faim dans le monde, déjà. Et en chiffres plus concrets, je sais que une bombe nucléaire coûte le prix de la construction de 3 hôpitaux. Ouais. C'est dire aussi que le gouvernement ne fixe pas les bonnes priorités. Qu'il oublie qu'il y a quelqu'un, enfin qu'il y a plusieurs quelqu'un qui ont besoin de vivre dans un monde plus agréable. Et en parlant de ça, on va s'écouter un morceau de John Lennon cette fois, Give Peace a Chance, un morceau qu'il a chanté avec, il me semble, son épouse Yoko Ono. Oui. Donc je vous laisse écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. 2, 1, 2, 3, 4. We'll be right back. c'était John Lennon, Give Peace a Chance. Vous êtes de retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et s'il vous vient l'envie de réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Guémouzo ou à nous passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ça fera plaisir. Il y a même d'ailleurs la possibilité de réagir en live. L'indique le thème de la chanson, hein, Give Peace a Chance, donner une place ou une chance, pardon, à la paix. Le thème de l'émission de ce soir, c'est le mouvement de la paix avec Pierre-Olivier Poyard du mouvement de la paix des Vosges. Tu nous as parlé avant, hein, d'à quel point les droits reculent au niveau protestataire. Les étudiants ou les lycéens sont moins encouragés à protester. Pourtant, ce sont des droits qui ont été acquis il y a une trentaine d'années déjà. Mais j'imagine que c'est important de se serrer les coudes. Et je me demande s'il y a d'autres associations avec lesquelles vous travaillez ensemble, justement. Hier, donc c'est assez récent, hier, on a conclu un partenariat avec l'Association républicaine des anciens combattants pour faire un bulletin. Notre bulletin Vosges pour la paix va devenir le bulletin commun de nos deux associations, donc le mouvement de la paix et l'Association républicaine des anciens combattants, qui est aussi une association pacifiste qui a plus de 70 ans parce qu'elle a eu 100 ans l'année dernière. Elle a été créée par Henri Barbus, donc un écrivain, l'auteur du feu, Romain Rolland, Anatole France, tous ces intellectuels, ces écrivains, en 1917, pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Oui, donc c'est avec l'ARAC que vous travaillez ensemble. Et d'ailleurs, oui, tu m'as dit un partenariat a été acté hier. Donc c'est une info toute fraîche, j'imagine même c'est une info inédite. Oui. Donc je suis très contente. À Radio Guémouzo, on a la primauté des infos, en tout cas avec le mouvement de la paix. Et ça fait longtemps que vous faisiez déjà des actions avec l'ARAC, ou c'est juste que vous aviez des beaucoup de points communs et vous aviez jamais pensé à travailler ensemble? Le travail commun débute. Donc c'est tout frais. En tout cas dans les Vosges, bon, au niveau national, il y a bien sûr des liens. En fait, le mouvement de la paix est à l'initiative d'un collectif qui s'appelle, collectif national, qui s'appelle En Marche pour la Paix. Oui. Et dans ce collectif national, il y a un certain nombre d'organisations. Il y a par exemple le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, qu'on a rencontré ce matin. La Jeunesse Ouvrière Chrétienne, avec qui on a rendez-vous dans quelques jours. La Confédération Générale du Travail, avec qui on va avoir un rendez-vous aussi. La Fédération Syndicale Unitaire, Parti Communiste Français, le Nouveau Parti Anticapitaliste, Les Verts, Europe Écologie Les Verts, Solidaire, le Réseau Sortir du Nucléaire. Dans les Vosges, on a Vosges Alternative au Nucléaire, avec l'association avec laquelle on travaille pour l'action qu'on mène vendredi prochain, dont on n'a pas encore parlé. Et non, justement, tu viens de titiller ma curiosité, parce qu'on a beau... c'est pas la première fois que je travaille avec le réseau Sortir du Nucléaire. Tiens, là, je savais pas qu'il y avait un événement qui serait à nouveau organisé. Oui. Donc la semaine prochaine, le Mouvement de la Paix organise une projection au Ciné Palace à Épinal. On sera donc le vendredi 11 mai, c'est à 19h30 au Ciné Palace à Épinal. C'est la projection d'un film qui s'appelle La Bombe et nous. Ce film raconte l'histoire des relations entre la bombe nucléaire, le nucléaire militaire et la France. Dans ce film intervient plusieurs personnes, Paul Quilès, ancien ministre, le général Bernard Norlin, et le général, et d'autres personnes, le général aussi Francis Lane. Le général Francis Lane est un général de l'armée de l'air en retraite, et il est membre de l'initiative pour le désarmement nucléaire. Alors, ce général sera présent à Épinal lors de la projection du film, c'est un événement. D'ailleurs, j'étais juste avant à Vosges Télévisions, je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas le recevoir dans leurs locaux. J'attends leur réponse. Et donc, ce général Francis Lane, il a une particularité. Quand il était actif, là, il est en retraite, ce qui lui permet d'avoir la... sa parole qui est libre. Quand il était actif, il s'occupait de la flotte des bombardiers stratégiques qui sont sans cesse en alerte avec des bombes nucléaires dans leur soute. Et en fait, c'est l'un des deux piliers de ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire française. L'autre pilier, ce sont les sous-marins nucléaires qui sont eux aussi sans cesse en alerte. Ils sont en patrouille d'ailleurs actuellement en Méditerranée ou dans l'Atlantique. Donc il y a, je ne sais plus s'ils sont tous en activité, mais il y avait le redoutable, le terrible, et d'autres noms comme ça, peut-être l'effroyable, le très très méchant, je ne sais pas quels sont les autres noms. Très originaux d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas. Et en fait, sans cesse, et c'est ça qui coûte d'ailleurs plusieurs milliards, sans cesse, il y a de l'argent qui est mis pour que ces bombardiers, ces sous-marins... circulent dans les airs ou dans les mers pour répondre à une hypothétique attaque nucléaire ou, ce qui est quand même une doctrine particulière à la France et aux États-Unis, ou de tirer les premiers. Parce que la doctrine nucléaire de la France et des États-Unis, c'est la possibilité de lancer en premier les bombes nucléaires. Ce qui est une différence avec les Russes et les Chinois. Les Russes et les Chinois ont une doctrine nucléaire, ils ont un armement nucléaire aussi, quoique les Chinois en aient moins que les Français. Les Russes en ont beaucoup, hein, comme les Américains. Pour les Chinois et les Russes, jamais ils tireront ou enverront des bombes nucléaires les premiers. C'est un engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de leurs partenaires étrangers. Et donc l'armement nucléaire chez les Russes et les Chinois, c'est uniquement pour se défendre. Alors que pour les Américains et les Français... se développe actuellement une nouvelle conception des armes nucléaires chez les Américains et chez les Français. C'est très récent. Chez les Américains, c'est depuis février. Et je pense que la visite de Macron à Trump, il était aussi question de ça, même si on n'a pas parlé dans les médias. Parce que le gouvernement français est complètement vassalisé au gouvernement américain sur la question militaire internationale. C'est d'ailleurs assez triste, on est très loin... du discours de Dominique de Villepin en 2003 qui refusait la participation de l'armée française dans la guerre d'Irak des Américains. On est très très loin de ça. C'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, donc les Américains essaient de développer un nouvel arsenal nucléaire, tactique, opérationnel, qui pourrait être utilisé sur les champs de bataille. Donc des bombes nucléaires plus petites, mais qui pourraient être lancées sur des usines ou sur des sites considérés comme stratégiques. Donc ils sont en train de développer un nouveau type d'arme nucléaire. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils investissent beaucoup de milliards là-dedans. Et malheureusement le gouvernement français prend la même voie. Et dans l'augmentation du budget militaire de 10 milliards par an à partir de 2019... il y a une augmentation de 2 milliards par an, donc 2 milliards la première année, 2 milliards en plus la deuxième, encore 2 milliards, pour l'armement nucléaire. Donc voilà, à la fin de cette loi de programmation militaire, il y aura 7 à 8 milliards pour l'armement nucléaire. Donc 7 milliards, c'est 800 000 employés aidés. Oui, c'est énorme, donc je comprends, même si tu l'as dit, les médias le montrent pas clairement, mais sur les réseaux sociaux, sur les pages de mouvements alternatifs, on sent bien l'inquiétude sur le duo Trump-Macron qui a très certainement lieu d'être. Est-ce que toi, personnellement, tu penses qu'on part dans une guerre imminente ou... Ou ça reste encore une situation assez stable pour l'instant? Moi, je suis très inquiet quand j'écoute parfois les médias nationaux, les grands médias, que ce soit ceux qui sont détenus par les grands groupes de presse, par les milliardaires type Bolloré et autres, ou même les médias type France Inter ou télévisuels, les médias publics. C'est à peu près le même discours. Donc c'est un discours de justification en fait de la politique étrangère de la France à chaque fois. Un discours de justification et à chaque fois que le gouvernement français part en guerre ou que le gouvernement envoie les militaires, c'est pas les militaires qui décident, c'est le gouvernement, envoie les militaires se faire tuer à l'étranger, les grands médias justifient. Donc là, en Syrie, les grands médias ont justifié l'intervention française. Ils ont été un peu embêtés parce que les cibles qui ont été bombardées, c'est assez cynique. Il y en a une, c'était une usine qui avait été visitée par les experts de l'Organisation internationale pour les armes chimiques 2 mois avant. Donc les experts internationaux y étaient allés 2 mois avant. Donc il est évident que dans cette usine, il n'y avait pas d'armes chimiques. Oui. Et donc les Français et les Américains l'ont quand même bombardée et détruite. Ah d'accord, donc oui. Ils ont agi vraiment selon leur plein gré, malgré les preuves qui montraient bel et bien qu'il n'y avait pas de crainte à avoir. C'est presque une psychose qui est en train de s'installer sur le... On va être attaqué et il faut se défendre à tout prix. En plus, on a un discours dans les grands médias qui est assez vindicatif vis-à-vis des Russes. Et à tel point que parfois, c'est limite des discours racistes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on avait fait un week-end sur la Corée, sur les deux Corées, parce qu'on avait invité... le président de l'association d'amitié franco-coréenne qu'on avait fait venir de Paris et les discours sur les Nord-Coréens là ça s'est un peu calmé vu qu'ils ont été à l'initiative d'un processus de paix avec les Coréens du Sud, c'était les Nord-Coréens qui étaient à l'initiative et les Coréens du Sud ont répondu positivement, donc c'est très bien, ils ont été très très satisfaits et jusqu'au mois de décembre janvier on a eu droit à des discours vraiment limite racistes, quoi. Racistes sur les Coréens du Nord. Hein. Et à tel point que l'idée, c'était de justifier une guerre à l'encontre des Nord-Coréens. De toute façon, ils peuvent mourir, les Nord-Coréens, parce que dans leur pays, c'est une dictature. Donc voilà, quand on a dans son pays une dictature, on peut tuer des civils. C'est ça la doctrine qui est avancée dans les grands médias, quoi. Et c'est vraiment insupportable, quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai un petit peu envie d'étendre le sujet un petit peu sur une réflexion philosophique que je me fais, vu que la guerre, en fait, c'est juste des personnes qui sont pas d'accord et qui envoient à leur place d'autres personnes se faire massacrer et qui font même massacrer des innocents. Donc, peut-être... Mais je suis convaincu que parmi les militaires, y compris français, même qui sont actifs dans l'armée actuellement en poste, il y en a certainement beaucoup qui réprouvent ces nombreuses interventions à l'étranger. C'est des militaires, donc ils font ce que le gouvernement leur dit de faire. Mais certainement qu'il y en a beaucoup qui réprouvent ces interventions à l'étranger, et encore plus... Qui considère que la bombe nucléaire, c'est devenu quelque chose de totalement... C'est une arme en fait qui est, si elle était utilisée, ça serait un drame humain, humain effroyable. Donc c'est une arme qui ne peut pas être utilisée. Donc c'est complètement ridicule de l'avoir et de dépenser des milliards pour sa modernisation. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc on fait venir un général en retraite, le général Francis Lane, qui était responsable de la flotte des bombardiers stratégiques, donc qui connaît très bien la question et qui parlera aussi, il en connaît beaucoup plus que moi, des accidents qu'il y a pu avoir. Et à chaque fois qu'il y a un bombardier avec des bombes nucléaires dans sa soute qui s'écrase, on passe à côté d'un accident nucléaire majeur, quoi. Et donc on a encore eu on a de la chance souvent, mais c'est des choses extrêmement dangereuses et inutiles et coûteuses, quoi. Oui, en effet, je comprends. Et comme tu l'as dit, hein, je pense que c'est bien de le souligner. Il y a en effet des militaires qui peuvent être contre, hein, qui peuvent peut-être être pacifistes, si j'étends le mot, qui ne sont pas pour les batailles. Hein. Comme tu l'as dit, à l'événement qui est organisé vendredi prochain, dont on va reparler après la pause musicale, hein, il y a des généraux qui sont invités, qui seront là. Donc c'est dire que ça peut aussi, ça touche aussi les militaires, hein, c'est pas du tout des gens sans cœur. Mais on va continuer avec un autre morceau cette fois, un morceau de System of a Down, Boom. Et je peux pas vous montrer le clip qui a d'ailleurs été tourné sur des manifestations pacifistes à travers le monde, mais vous l'entendrez, des manifestants ont participé à la chanson. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et je crois qu'il y a un léger petit souci, je suis vraiment désolée pour le souci technique, c'est la première fois que ça arrive. Mais ça y est, le morceau arrive, il est en route. Et encore une fois, c'est System of a Down. Rosie, about 10 million of us today marching. Around the world, millions of people don't want this war. We have never gotten justice through war. We don't believe the lies being fed to us through the media. Do y'all speak with one voice for peace? I've been walking through your streets, where all your monies are made, where all your buildings crying and clueless neckties working. Revolving fake on houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Boom! Boom! Oh! Boom! Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Boom! Boom! Boom! Boom! Modern globalization, coupled with condemnations. Unnecessary death, mega corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money, nobody gives a f***. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Boom! Boom! As a Vietnam vet, I do not believe that war should be fought in America's name. It's the most ridiculous thing. I'm here because my brother is in the Navy and we want him to come home alive. I hope it's never gonna happen. We just need una guerra y queremos la paz. I don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace. Why must we kill our own kind? Boom, boom, boom, boom. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Every time you drop the bomb. Et voilà, c'était Boom de System of a Down, leur clip officiel qui a été, je le rappelle, tourné sur des manifestations pacifistes en 2003. Les manifestations contre la guerre en Irak. Merci, merci pour ta précision. Un clip qui prend aux tripes, hein. Pour moi, il prend clairement aux tripes, hein. Ça montre à quel point le pacifisme, c'est un mouvement mondial, hein. La population entière veut un monde plus en paix, et c'est pour ça que tu es là aussi, Pierre-Olivier, pour parler du mouvement de la paix et aussi de la situation dans laquelle on est en ce moment. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, hein, comme d'habitude, il n'y a aucun problème, envoyez un petit message à notre page Radio Guémozo ou appelez-nous au 03 29 62 40 40. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, et je vois que l'heure tourne, hein, on n'a pas trop parlé de l'association en elle-même, parce que j'imagine qu'il est possible d'être bénévole ou même de faire un don pour soutenir le mouvement de la paix. Oui, donc depuis le début de l'année, on a donc lancé ce bulletin « Vosges pour la paix » qu'on essaie de travailler pour le faire de plus en plus, abouti. Et donc, on avait 15 adhérents au début de l'année. Là, on en a 35. Et puis, le bulletin, suite à notre partenariat avec l'Association républicaine des anciens combattants, on va l'envoyer à 65 exemplaires, déjà. Là. Donc, on progresse, voilà, petit à petit. Et donc, bien sûr, on cherche toujours à avoir de nouveaux adhérents. On mène des campagnes d'adhésion au mouvement. On cherche aussi des gens qui sont prêts à militer avec nous pour la paix. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Notre slogan, c'est « Pacifiste, internationaliste, humaniste ». Donc, voilà, on s'adresse à tous les êtres humains. Oui. Quel que soit l'internationalisme, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, parce que on est vraiment dans une logique de dépasser les frontières et d'accueillir dans notre association des gens de toute origine. Voilà, on a des gens qui sont issus du monde turco-kurde. Voilà, des citoyens français, bien entendu, ou pas. Voilà, donc on est ouvert vraiment à tout le monde. Oui, et comment contacter peut-être l'association ou l'antenne Mouvement de la Paix des Vosges ? Ben, on peut m'appeler au 06 86 64 44 94. Parce que toi, vis-à-vis de l'association, tu es quoi ? Tu es un militant assez important ? Tu es le président ? Moi, je suis secrétaire. Secrétaire, donc tu es déjà un membre du CA. Ouais, donc du bureau, ouais. T'as un certain poids dans l'association, un certain engagement. Je le rappelle, hein, donc c'est tout à fait possible d'adhérer, de faire un don ou même juste de recevoir le petit journal que j'ai sous les yeux, hein, qui sort une fois tous les... Ah non. Ça, on est parti pour faire un mensuel. Disons, pendant l'été, on en fera qu'un. Et en novembre-décembre, on en fera qu'un aussi, donc c'est 10 numéros par an. Et c'est pour quel prix ? 10 euros, c'est 1 euro le numéro. Ah oui, donc c'est tout à fait abordable d'avoir plus d'informations pour un monde en paix. Et en parlant de ça, hein, je survole encore les 2-3 petites actualités dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. D'ailleurs, il y a une action qui m'avait un petit peu marquée, c'est « Dessine-moi la paix ». Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors tous les ans, le mouvement de la paix édite un agenda. Un agenda, et donc l'année prochaine, cet agenda va être illustré à partir de dessins d'enfants. Donc « Dessine-moi la paix », c'est un concours qu'on a lancé à destination des enfants. Donc les dessins sont à envoyer soit directement à Paris, soit au siège de notre association dans les Vosges. Et voilà, tous les dessins sont les bienvenus. Et la fin du concours est le 30 juin 2018. Et donc, tous les enfants, hein, donc on va dire jusqu'à 12-13 ans, peuvent participer, c'est ça ? Ouais, voilà, on va faire une sélection des plus beaux dessins. Non, c'est pas moi, hein. C'est les personnes qui font l'agenda à Paris. Et après, il en adviendra quoi de ces dessins ? Ils seront publiés, utilisés comme logo ? Oui, donc ceux qui seront sélectionnés seront utilisés, seront publiés dans l'agenda 2018. Et d'ailleurs, je pense encore à un autre événement, vu que je vois que le Mouvement de la Paix a été présent à l'événement qu'organisait Place au Jeu, je crois, oui. Pour l'événement Jeux et Compagnie qui a eu lieu à Épinal les 9, 10 et 11 mars 2018. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous aviez fait là-bas ? Vous avez fait un stand, une animation ? À côté d'autres associations, bon, il y avait par exemple le Comité catholique contre la faim et pour le développement, une association avec laquelle on travaille. Voilà, il y en avait d'autres aussi. On a tenu une table avec des jeux qu'on proposait sur le thème de la paix. Et quel jeu y avait-il pour que je me fasse une idée ? Cette année, on a fait des jeux classiques. On a fait un Memory. Avec des images de la paix. On a fait un Misty Gris. Donc c'est un jeu de cartes qu'on appelle aussi le Pouilleux. On avait fait des dominos et puis un loto. Oui, donc plein de jeux différents. Et j'imagine que c'était aussi l'occasion d'échanger avec les visiteurs autour du Mouvement de la Paix et de la paix dans le monde, bien entendu. Et avant que l'émission ne s'achève, même s'il y a encore d'autres thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, comme peut-être la paix au Proche et au Moyen-Orient, j'aimerais peut-être que tu nous dises, pour les derniers sceptiques, quel serait l'intérêt, en fait, pour la France et même pour le monde, pour le désarmement nucléaire et même peut-être le désarmement tout court. En fait, ce qu'on dit par rapport au désarmement, au mouvement de la paix, les budgets militaires au monde, bon, ça augmente tous les ans, donc je n'ai pas forcément les derniers chiffres, mais on doit atteindre les 2000 milliards maintenant. C'est en progression constante. Ah oui. 2000 milliards. Et pour résoudre les principaux problèmes de l'humanité, comme par exemple la malnutrition, les maladies chroniques comme le paludisme, pour traiter ces problèmes-là, 200 milliards, c'est amplement suffisant. Bien entendu. Donc 10% du budget militaire est suffisant pour traiter les grands problèmes de l'humanité, et puis aussi tout ce qui concerne le climat. Le changement climatique. Voilà, ces grands problèmes de l'humanité, je ne vais pas dire réglés, mais en tout cas, ils pourraient être bien améliorés et pour certains problèmes combattus avec seulement 10% des budgets militaires. Oui, donc peut-être remettre les choses à leur place et dans le bon ordre. Et peut-être qu'avec ça, on pourrait avoir un monde, une humanité qui se porte mieux et même peut-être plus, hein, vu que tu as un petit peu parlé du climat, vu que le mouvement pour la paix s'occupe un petit peu du climat. Je ne sais pas si on a vraiment le temps de s'étendre là-dessus, mais tu peux peut-être dire deux mots à ce sujet. Eh bien, ce que je peux dire par rapport au climat, c'est que les guerres, ce sont des événements qui sont très très consommateurs de gaz à effet de serre, par exemple. Oui. Balancer des missiles, comme l'armée française fait en Syrie, brûler des villages, des villes, incendier, bombarder, voilà, c'est quelque chose d'assez simple et logique, ça consomme beaucoup de gaz à effet de serre. Oui. J'ai pas de chiffres précis exacts, mais je pense qu'une étude sur le sujet devrait être intéressante à être développée. Et puis à l'occasion, peut-être que je reviendrai avec des chiffres plus précis sur la question. Oui. Voilà. En effet, ce serait avec plaisir, mais l'émission touche déjà tout doucement à sa fin. Et avant qu'on se dise au revoir, je vous annonce un petit peu le programme de la soirée. Donc de 21h à minuit, il y a l'émission de Vincent, Vivre et créer la montagne. Et comme Lia est encore en vacances, il me semble qu'elle ne reviendra pas tout de suite, elle s'est fait mal. La prochaine émission, c'est la mienne, hein, la rediffusion de celle que vous venez d'écouter. De 7h à 8h hein, avec Pierre-Olivier Poyard pour le Mouvement de la Paix, suivi à 8h30 de l'émission Les Vosges Samedi de Hélène, et enfin Musée de Partie avec Cyril Renaud à partir de 10h, mais les habitués connaissent j'imagine le programme du week-end. On se retrouve pas la semaine prochaine, je serai à nouveau en vacances et je vais très vite vous expliquer pourquoi. D'ailleurs c'est aussi dans les rediffusions qu'il y a prévues pour la semaine prochaine, vu que je participe à une exposition, donc je prends encore quelques jours. Je vous invite vivement le 12 mai à l'espace culturel de Remiremont pour l'exposition Le Brame des Arts, hein, mais il n'y a pas que moi, bien entendu, on est au moins une bonne vingtaine de jeunes à exposer, donc allez y faire un tour. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une journée, une vie bien en paix, bien entendu. Merci beaucoup Pierre-Olivier Poyard d'avoir répondu à mon appel et d'avoir parlé de la paix. C'était très instructif. J'espère que vos auditeurs, ça vous a plu. Et en attendant, on se retrouvera le 14, même heure. Et bonne soirée à tous sur Radio Gémozo. Merci.